Fille de la rue Mardrus, la Piranne. Lue par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Deauville, c'est, de juillet à septembre, l'abcès qui crève tous les ans sur nos côtes. Deauville ramasse l'argent du Parisien et de l'étranger. Le Havre, une pieuvre au bout de l'estuaire, entortille le grand commerce, les transats fameux, les paquebots de partout. Plus loin dans les terres, Rouen pompe aussi le trafic et la richesse. Ruiné par ces trois-là, Honfleur, dans son bain de vase, continue à se mourir. Depuis des siècles. Ruiné, oui, quant au négoce, à la prospérité. Mais au point de vue de la beauté, de la personnalité, sauvé. Cette ville où le Moyen-Âge est encore tout vivant fait pourtant ce qu'elle peut par ses propres moyens pour tuer son passé, bien que ne pouvant prétendre aux avantages du modernisme. Elle a, comme toute la France, un actif artisan de l'irréparable, acharné contre ses reliques, acharné contre les arbres de l'alentour. Oh, trouver l'occasion de démolir de la pierre séculaire, d'abattre des troncs également séculaires. Quand la bêtise est faite, il en est beaucoup pour se réjouir, un peu moins pour pleurer devant l'attentat. Cependant, le vieux parler reste encore intact dans la ville, et l'accent charmant, ainsi que nombre d'institutions, généralement d'ordre religieux. « Une vieille coutume est un monument », disait un de ses doyens. La hache, heureusement, n'est pas facile à mettre dans ces monuments-là, car la Normandie tout entière tient bon. Elle est défendue, en marge des routes nationales, où passe le XXe siècle et ses autos, par les chemins creux où ne pénètrent guère les non-normands. C'est là qu'il faut découvrir tant de coins de campagne où semble n'avoir pas soufflé même l'esprit de la Révolution. Un des purs quartiers de ce blason-là, c'est précisément Honfleur, jadis unique port français sur la Manche. Bien sûr, les barques à voile y sont à présent adultérées par le moteur à essence, qui alourdit et empuantit l'ancien grand silence, où de longues ailes de toile se frôlaient comme des archanges. Bien sûr, le phonographe et la TSF, au fond de quantités de logis, mettent en fuite les fantômes à cagnarder dans les encoignures. Et le reste. Mais il ne faut guère d'efforts néanmoins pour retrouver dans cette petite cité bleu d'ardoise l'atmosphère du temps où l'on allait aux îles. Et l'odeur de l'aventure et du miracle n'est pas tout à fait éventée, même dans la chapelle de grâce en haut, éclaboussée d'électricité, enrichie de vitraux neufs, à moitié dépouillée de ses ex-voto. Chapitre 1. Nous revoyons sans peine, bien avant l'entrée de l'auto dans le monde, un Honfleur assez peu différent de l'actuel, et parmi ses rues rétrécies, au bas de ses deux clochers, la belle poissarde qui rendait fou tout le masculin du port. Lors de ma naissance, des vieillards qui l'avaient vue quand ils étaient petits se souvenaient encore d'elle avec émotion. Ses cheveux noirs à reflets, ses yeux couleur d'océan, ses dents par hasard magnifiques au pays des chicots, sa belle encolure, sa démarche de gaillarde qui n'a peur de rien, tout cela fit que, dès 16 ans, le pêcheur nommé Jean Pirant se dépêcha de l'épouser pour l'avoir à lui tout seul. Maître de son bateau, la bonne nouvelle, il représentait pour la fille un destin inespéré. Elle était née d'un matelot pauvre et d'une débardeuse, unique enfant, et vouée tout de suite à vendre la crevette et la sole à la poissonnerie. N'ayant pas manqué d'être emmenée au banc du ratier, avec gars et garces du port pour la cueillette des moules, à 10 ans, elle connaissait la marée comme un loup de mer. Embrun des vagues, averse du ciel, barque trempée, étal couvert de poissons mouillés, sabots dans les flaques, toute son existence clapotait, eau douce et salée, eau verticale et horizontale, éternelle humidité suée par l'estuaire, goût de saumure sur les lèvres, vent pluvieux dans les cheveux. Elle ne devait savoir que plus tard à quel point elle aimait tout cela, quand s'arracha sa racine d'entre les pavés en fleurait, où croître et respirer lui semblait si naturel. Devenue la femme Pirant, la Piranne, pour ses admirateurs et ses rivales, elle ne fut pas longue à découvrir son pouvoir sur les mâles. jusqu'à des messieurs de ville tournaient autour. À 20 ans, elle avait tant d'amoureux que le mari renonçait à ses coups de jalousie. Elle lui restait fidèle, par mépris pour tous ces hommes qui la voulaient. Une Normande ne se laisse pas facilement conquérir. Sa suprême taquinerie et toute l'ironie de la race de Honfleur, qui n'a pas sa pareille pour se moquer du monde, et avec esprit, suffisait à l'amuser. Et le jeu dangereux qu'elle menait avec tous ses garçons n'allait pas plus loin. À 25 ans, elle perdit son père. 1 mois plus tard, mourut sa mère. Et cette année de deuil, car elle aimait ses parents, fut marquée aussi par un autre drame. Être amoureuse. C'est un grand efflanqué. Matelot, à bord du chalutier, le vigoureux. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, celui-là, pour charmer une fille comme Clémence Piran? Son maillot bleu foncé, son bonnet tricoté de laine, du blond sous le bonnet, du gris dans les prunelles, une petite moustache vieille or, il n'y a pas là de quoi tant émouvoir. Mais ses yeux sont impérieux, sa dégaine est particulière, sa voix a des inflexions à lui. Et puis quoi? Sait-on jamais quel est le mystère qu'une femme jusqu'à la tranquille découvre tout à coup dans un certain homme qui passe? Courant à lui d'un élan que rien n'arrêterait, elle devient cette force de la terre qu'on ne retrouve que dans les attractions magnétiques, que dans l'attirance d'un corps pour l'autre au creux de l'éprouvette chimique. La railleuse Pirane ne chercha pas du tout les raisons de son goût pour le gars Chausselin. Le premier matin qu'elle le vit à la poissonnerie, il arrivait de Villerville pour se fixer en fleurs. Elle répondit à son regard. Un regard qu'elle connaissait si bien pourtant. Regard de saisissement devant elle, sa frange noire au-dessus des larges iris clairs, ses narines ouvertes, sa bouche rouge aux dents si blanches, son teint d'or et de rose, sa poitrine en avant, ses belles hanches, son air défronté coquette, répondit au regard du Villervillais, non pas par son ordinaire rire en mezzo, mais par un silence étrangement grave, des yeux fixes et comme arrêtés devant la fatalité. Marie-Pierre Chausselin, la fatalité. Clémence Piran, la fatalité. Tous deux restèrent immobiles, face à face, les poissons lumineux entre eux, dans les ombres, avec tout le monde autour de ce premier regard. Il pleuvait un peu. Le mois de mai frissonnait, brise froide sur le bassin de Radou. L'arbre qui pousse contre la lieutenance, ancienne porte de la ville au bout du bassin, remuait des petites feuilles d'un vert encore pâle. Des nuages descendus ne laissaient voir qu'un peu de bleu tout au bout de l'abîme, d'en haut, et les quais Sainte-Catherine et Saint-Étienne jetaient chacun de leur côté des images de vieilles maisons dans l'eau du bassin. Les fumées, du côté de la jetée qu'on ne pouvait voir, étaient pareilles à d'autres nuages, plus petits et plus proches. Un bateau criait pour demander le port. « Toi que je ne connais pas, » disaient les yeux de l'homme, « je te veux. » Et ceux de la Pirane, « Toi que je ne connais pas, parle, tu m'auras. » Il ne parla pas, sinon pour la vente d'un turbo et de quelques carlettes ou juste à portée de mer. « C'est tendre comme de l'agneau. Vos pratiques vont vous prendre ça tout de suite. On est arrivé trop tard pour la crier. » Puis il s'en alla. Toute la journée, la Pirane fut sombre. L'amour, dès son apparition, se présente aux humains comme une espèce de malheur. En rentrant le soir au logis, une toute petite maison de la rue Haute, la femme vit que son homme n'était pas revenu du café. Elle en fut heureuse. Au lieu de s'occuper de son fourneau, préparatif du dîner, elle éprouva le besoin d'ouvrir la fenêtre et de s'y accouder. Le bas des maisons, sur le côté de cette rue, pourrissait dans les marais et portait une longue barbe d'algues. Des grappes de coquilles s'y incrustaient. Ainsi, le bout de la ville, à l'époque, figurait-il la géante carène d'un très vieux navire immobile. Le couchant faisait, ce soir-là, reluire la grève entre les galets. La grande boue noire devenait, jusqu'à l'infini, rouge et rose sous le ciel rouge et rose. Des barres sombres traversaient, rochers, et des barres pâles, reflets de nacre. Le Havre s'allumait au large, une voie lactée étendue sur l'eau. La Pirane ne regardait pas cette beauté crépusculaire. Elle regardait au-dedans d'elle-même, avec le frisson qui prépare l'aventure passionnée. Sa vie était changée depuis ce matin. Son mari, qui lui tapa sur l'épaule, la fit bondir. Rien de prêt à l'heure de manger, même pas de lumière à la maison. « Qu'est-ce que tu faisais donc ? » demanda-t-il abasourdi. Pas d'explication possible. Elle dit au hasard qu'elle avait mal à la tête et se hâta d'allumer la lampe à huile. Le mari s'assit patiemment. C'est l'heure où l'homme dépend de sa ménagère. Il y en a qui crient quand la soupe est en retard. Celui-là, subjugué par l'amour, ne faisait jamais de scène, même s'il avait bu, ce qui pouvait bien arriver quelquefois. C'était un homme de 35 ans, à collier de barbe d'un brun roux, la lèvre supérieure rasée, des anneaux d'or aux oreilles, l'œil vif et bleu, sombre, larges épaules et haute taille. Pas commode tous les jours, courageux au travail, honnête. Son regret de n'avoir pas d'enfant l'avait à la longue un peu renfrogné, rendu plus dur pour son matelot et son mousse à bord de la Bonne Nouvelle. Il était craint mais respecté. La marine l'estimait. On savait, malgré ce qu'elle déchaînait dans les cœurs, que sa femme lui restait attachée et ne l'avait jamais trahi. Lui-même le savait bien aussi. Ceux de sa classe n'ayant ni le pouvoir ni l'habitude d'analyser, il ne soupçonnait pas quel amas d'indifférence le séparait de sa belle compagne. Il en était amoureux, orgueilleux et jaloux. Elle lui donnait en échange cette sorte d'affection, qui n'est, après tout, qu'une vieille manie qu'on a. Peut-être qu'elle l'aimait bien. Elle ne se l'était jamais demandé. Chacun a son travail, l'un qui pêche du poisson, l'autre qui les vend, les repas en commun, les économies en commun, le lit en commun. Avec cela, la vie s'écoule sans qu'on y pense. La Pirane regarda ce Jean de tous les jours, tandis qu'elle apportait la soupe sur la table. Et elle le haït. Ils mangèrent. Elle ne répondit pas quand il parla. Le pêcheur finit par s'étonner. « Qu'est-ce que t'as ? Toujours les boyaux de la tête croisés ? Ça me semble drôle que tu ne me prêches mot. » Et ce fut encore à cause de cette migraine, quand ils furent couchés et la chandelle soufflée, qu'elle se refusa sans pitié. Elle n'était pas encore à l'autre, mais n'était déjà plus à lui.